L'amour, c'est un mot fragile et facile qui entraîne quelqu'un dans un chemin qu'on appelle ma foi. Et parfois, au bout de ce chemin, on trouve une pancarte écrite « Si je savais ». Zizi Lutumba Salomon à Londres. Robert Lutumba, Laura Lutumba, Sylvie Lutumba, Marie-Paul Bagdad. Les grands poètes, de génération en génération. Le vieux sur la tempo. kominga susi ya bazuwa na yo ya balona na na yo yokinga tama wate gilemba ya metiole edo mizamba o masakri na na susi yo nitinga na motalaka o yokinga tama wate Paolo de Souza ya Gwendini Ebonga kiyo bema tame karebya monika Azala kateme Alika mwango Oya ya Ya kudu kintala Odi kayembe Mapona telengana Nandini wae Oyo pone lima ye Ozwanga pomona Nazala kina seza Mabotuli okebeye Nazala kina mwana ye Mabol ma trompe yo Ma espi ya majan Nazwa kiyo lokola Mabol ya la fina mwai